Comment il faut pratiquer l'autosuggestion consciente. Tous les matins, au réveil et tous les soirs, aussitôt au lit, fermez les yeux et, sans chercher à fixer son attention sur ce que l'on dit, prononcez avec les lèvres, assez haut pour entendre ses propres paroles et en comptant sur une ficelle munie de 20 nœuds, la phrase suivante. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Les mots à tout point de vue, s'adressant à tout, il est inutile de se faire des autosuggestions particulières. Faire cette autosuggestion d'une façon simple, aussi enfantine, aussi machinale que possible, par conséquent, sans le moindre effort. En un mot, la formule doit être répétée sur le ton employé pour réciter des litanies. De cette façon, l'on arrive à la faire pénétrer mécaniquement dans l'inconscient par l'oreille. Et, quand elle y a pénétré, elle agit. Suivre toute sa vie cette méthode, qui est aussi bien préventive que curative. De plus, chaque fois que, dans le courant de la journée ou de la nuit, l'on ressent une souffrance physique ou morale, s'affirmer immédiatement à soi-même qu'on n'y contribuera pas consciemment et qu'on va la faire disparaître. Puis, s'isoler autant que possible, fermer les yeux et, se passant la main sur le front, s'il s'agit de quelque chose de moral, ou sur la partie douloureuse, s'il s'agit de quelque chose de physique, répétez extrêmement vite avec les lèvres les mots « ça passe, etc., etc. » aussi longtemps que cela est nécessaire. Avec un peu d'habitude, on arrive à faire disparaître la douleur morale ou physique au bout de 20 à 25 secondes. Recommencez chaque fois qu'il en est besoin. La pratique de l'autosuggestion ne remplace pas un traitement médical, mais c'est une aide précieuse pour le malade comme pour le médecin. Après vous avoir donné des conseils, je dois vous indiquer le moyen de les mettre en pratique. Il est donc facile de se rendre compte du rôle du suggestionneur. Ce n'est pas un maître qui ordonne, c'est un ami, un guide, qui conduit pas à pas le malade dans la voie de la guérison. Comme toutes ces suggestions sont données dans l'intérêt du malade, l'inconscient de ce dernier ne demande qu'à se les assimiler et à les transformer en autosuggestions. Quand celle-ci est faite, la guérison s'obtient plus ou moins rapidement. Supériorité de la méthode. Cette méthode donne des résultats absolument merveilleux et il est facile de comprendre pourquoi. En effet, en agissant comme je le conseille, on n'éprouve jamais d'échec, si ce n'est avec les deux catégories de gens dont j'ai parlé plus haut et qui, heureusement, représentent 3% à peine de la masse. Si au contraire on essaye d'endormir le sujet du premier coup sans explication, sans les expériences préliminaires, nécessaire pour l'amener à accepter la suggestion et la transformer en autosuggestion, on ne peut avoir et en adaction que sur les sujets extrêmement sensibles et ils sont en petit nombre. Tous peuvent le devenir par l'entraînement, mais très peu le sont suffisamment sans l'éducation préalable que je conseille de leur donner et qui se fait du reste dans l'espace de quelques minutes. Autrefois, me figurant que la suggestion ne pouvait bien agir que pendant le sommeil, j'essayais toujours d'endormir mon sujet. Mais, ayant constaté que ce n'était pas indispensable, j'ai cessé de le faire pour lui éviter la crainte, l'angoisse qu'il éprouve presque toujours lorsqu'on lui dit qu'on va l'endormir, crainte qui fait souvent qu'il offre malgré lui une résistance involontaire au sommeil. Si vous lui dites au contraire que vous ne voulez pas l'endormir, que cela est absolument inutile, vous gagnez sa confiance. Il vous écoute sans aucune frayeur, sans aucune arrière-pensée. Et il arrive souvent, sinon la première fois, du moins très rapidement, que, se laissant bercer par le son monotone de votre voix, il s'endort d'un sommeil profond dont il se réveille tout étonné d'avoir dormi. S'il y a parmi vous des incrédules, et il y en a, je leur dirai tout simplement, venez chez moi, voyez et vous serez convaincus par les faits. Il ne faut pas croire cependant qu'il soit absolument nécessaire de procéder comme je viens de le dire pour employer la suggestion et déterminer l'autosuggestion. La suggestion peut être faite aux gens à leur insu et sans aucune préparation. Que par exemple un docteur qui, par son titre seul, exerce déjà sur son malade un effet suggestif, vienne à lui dire qu'il ne peut rien pour lui, que sa maladie est incurable, il provoque dans l'esprit de ce dernier une autosuggestion qui peut avoir les conséquences les plus désastreuses. Qu'il lui dise au contraire que sa maladie est grave, il est vrai, mais qu'avec des soins, du temps et de la patience, la guérison viendra, il pourra obtenir quelquefois et souvent même des résultats qui le surprendront. Autre exemple, qu'un médecin, après avoir examiné son malade, rédige une ordonnance et la lui donne sans aucun commentaire, les médicaments prescrits auront peu de chances de réussir, mais qu'il explique à son client que tel et tel médicament devront être pris dans telle et telle condition et produiront tel et tel effet, presque infailliblement, les résultats annoncés seront obtenus. S'il y a dans la salle des médecins ou des confrères pharmaciens, qu'ils ne me croient pas leur ennemi, je suis au contraire leur meilleur ami. D'un côté, je voudrais voir inscrit dans le programme des écoles de médecine l'étude théorique et pratique de la suggestion pour le grand bien des malades et des médecins eux-mêmes. Et d'un autre côté, j'estime que chaque fois qu'un malade va trouver un médecin, celui-ci doit toujours lui ordonner un ou plusieurs médicaments quand même ceux-ci ne seraient pas nécessaires. Le malade, en effet, quand il va trouver son docteur, y va pour qu'on lui indique le médicament qui guérira. Il ne sait pas que le plus souvent, c'est l'hygiène, le régime qui agit. Il y attache peu d'importance, c'est un médicament qu'il lui faut. Si, à mon avis, le médecin prescrit seulement à son malade un régime sans aucune médication, celui-ci sera mécontent. Il se dira que c'était bien inutile de se déranger pour qu'on ne lui donne rien à prendre, et souvent il ira trouver un autre docteur. Il me semble donc que le médecin doit toujours prescrire des médicaments à son malade, et, autant que possible, pas de ces médicaments spécialisés autour desquels on fait tant de réclames et qui ne valent, le plus souvent, que par la réclame qu'on leur fait, mais bien des médicaments formulés par eux-mêmes, qui inspire ton malade infiniment plus de confiance que les pilules X ou les poudres Y qu'il peut se procurer facilement dans toute pharmacie sans qu'il soit besoin d'aucune ordonnance. Comment agit la suggestion? Pour bien comprendre le rôle de la suggestion, ou plutôt de l'autosuggestion, il suffit de savoir que l'inconscient est le grand directeur de toutes nos fonctions. Faisons-lui croire, comme je l'ai déjà dit précédemment, que tel organe qui ne fonctionne pas bien doit bien fonctionner. Instantanément, il lui en transmet l'ordre, et celui-ci, obéissant docilement, sa fonction redevient normale, soit immédiatement, soit peu à peu. Ceci permet d'expliquer d'une façon aussi simple que claire comment, par la suggestion, on peut arrêter des hémorragies, vaincre la constipation, faire disparaître des fibromes, guérir des paralysies, des lésions tuberculeuses, des plaies variqueuses, etc. Je prendrai comme exemple le cas d'une hémorragie dentaire, cas que j'ai pu observer dans le cabinet de M. Gauthier, dentiste à Troyes. Une jeune fille que j'avais aidée à se guérir d'un asthme qui durait depuis 8 ans, me dit un jour qu'elle voulait se faire arracher une dent. Comme je la savais très sensible, je lui offris de la lui faire arracher sans douleur. Naturellement, elle accepta avec plaisir et nous prîmes rendez-vous avec le dentiste. Aujourd'hui, nous nous rendîmes chez lui et, me plaçant devant la jeune fille, je lui dis « Vous ne sentez rien, vous ne sentez rien, vous ne sentez rien, etc. » Et, tout en continuant ma suggestion, je fis signe au dentiste. Un instant après, la dent était enlevée sans que Mademoiselle D eût sourcillé. Comme il arrive souvent, une hémorragie se déclara. Au lieu d'employer un hémostatique quelconque, je dis au dentiste que j'allais essayer la suggestion, sans savoir à l'avance ce qui se produirait. Donc, je priai Mademoiselle D de me regarder, et je lui suggérai que dans 2 minutes, l'hémorragie s'arrêterait d'elle-même, et nous attendîmes. La jeune fille rejeta encore quelques crachats sanguinolents, et ensuite, plus rien. Je lui dis d'ouvrir la bouche, nous regardâmes et nous constatâmes qu'il s'était formé un caillot de sang dans la cavité dentaire. Comment s'expliquer ce phénomène? De la façon la plus simple, sous l'influence de l'idée « l'hémorragie doit s'arrêter », l'inconscient avait envoyé aux artérioles et aux veines l'ordre de ne plus laisser s'échapper du sang. Et docilement, elle s'était contractée naturellement, comme elle l'aurait fait artificiellement au contact d'un hémostatique, comme l'adrénaline par exemple. Le même raisonnement nous permet de comprendre comment un fibrome peut disparaître. L'inconscient ayant accepté l'idée « le fibrome doit disparaître », le cerveau ordonne aux artères qui le nourrissent de se contracter. Celles-ci se contractent, refusent leur service, ne nourrissent plus le fibrome et celui-ci, privé de nourriture, meurt, se dessèche, se résorbe et disparaît. Emploi de la suggestion pour la guérison des affections morales et des tares originelles ou acquises. La neurasthénie, si fréquente de nos jours, cède généralement à la suggestion pratiquée fréquemment de la façon que j'indique. J'ai eu bonheur de contribuer à la guérison d'un grand nombre de neurasthéniques chez lesquels tous les traitements avaient échoué. L'un d'eux même avait passé un mois dans un établissement spécial du Luxembourg sans obtenir d'amélioration. En 6 semaines, il a été complètement guéri et c'est maintenant l'homme le plus heureux du monde après s'en être cru le plus malheureux. Et jamais plus il ne retombera dans sa maladie. Car je lui ai appris à se faire de l'autosuggestion consciente, et il sait la pratiquer d'une façon merveilleuse. Mais si la suggestion est utile dans le traitement des affections morales et physiques, quel service bien plus grand encore ne peut-elle pas rendre à la société, en transformant en honnêtes gens les malheureux enfants qui peuplent les maisons de correction, et qui ne sortent de là que pour entrer dans l'armée du crime? Que l'on ne vienne pas me dire que cela est impossible, cela est, et je puis vous en fournir la preuve. Je citerai les 2 cas suivants qui sont bien caractéristiques. Mais ici, je dois ouvrir une parenthèse. Pour vous bien faire comprendre la façon dont la suggestion agit dans le traitement des tares morales, J'emploierai la comparaison suivante. Supposons que notre cerveau soit une planche dans laquelle sont enfoncées des pointes représentant nos idées, nos habitudes, nos instincts, qui déterminent nos actions. Si nous constatons qu'il existe chez un individu une mauvaise idée, une mauvaise habitude, un mauvais instinct, en somme une mauvaise pointe, nous en prenons une autre qui est l'idée bonne, l'habitude bonne, l'instinct bon, nous la plaçons directement sur la tête de la mauvaise pointe et nous donnons dessus un coup de marteau. Autrement dit, nous faisons de la suggestion. La nouvelle pointe s'enfoncera d'un millimètre, par exemple, tandis que l'ancienne sortira d'autant. À chaque nouveau coup de marteau, c'est-à-dire à chaque nouvelle suggestion, elle s'enfoncera encore d'un millimètre et l'autre sortira d'un millimètre. De sorte que, au bout d'un certain nombre de coups, l'ancienne pointe sera complètement sortie et remplacée par la nouvelle. Cette substitution opérée, l'individu lui obéit. J'en reviens à mes exemples. Le jeune M, âgé de 11 ans, demeurant à 3, était sujet nuit et jour à certains petits accidents qui sont inhérents à la première enfance. De plus, il était kleptomane et naturellement, il mentait aussi. Sur la demande de sa mère, je lui fis la suggestion. Dès la première séance, les accidents cessèrent pendant le jour, mais continuèrent pendant la nuit. Petit à petit, ils devinrent moins fréquents, et finalement, quelques mois après, l'enfant fut complètement guéri. En même temps, la passion du vol s'atténuait, et au bout de 6 mois, il ne volait plus. Le frère de cet enfant, âgé de 18 ans, avait conçu contre un autre de ses frères une haine violente. Chaque fois qu'il avait bu un peu plus que de raison, il éprouvait l'envie de tirer son couteau et d'en frapper son frère. Il sentait que cela se produirait un jour, et il sentait en même temps que, après avoir accompli son crime, il se mettrait à sangloter sur le corps de sa victime. Je lui fis également de la suggestion. Chez lui, le résultat fut merveilleux. Dès la première séance, il fut guéri. Sa haine pour son frère avait disparu. Et, depuis lors, ils furent tous deux bons amis, cherchant à s'être agréables l'un à l'autre. Je les suivis pendant longtemps. La guérison persistait toujours. Quand par la suggestion on obtient de semblables résultats, ne semblerait-il pas utile, je dirais plus indispensable, d'adopter cette méthode et de l'introduire dans les maisons de correction? Je suis absolument certain que, par une suggestion journellement appliquée à des enfants vicieux, on en ramènerait plus de 50% dans le droit chemin. Ne serait-ce pas rendre à la société un service immense que de lui redonner sain et bien portant des membres auparavant rongés par la pourriture morale? On m'opposera peut-être qu'il y a danger à employer la suggestion, qu'on peut s'en servir pour faire le mal. Cette objection n'a aucune valeur, d'abord parce que la pratique de la suggestion serait confiée à des gens sérieux et honnêtes, aux médecins des maisons de correction par exemple, et que, d'autre part, ceux qui cherchent à s'en servir pour le mal n'en demandent la permission à personne. Mais en admettant même qu'elle offre quelques dangers, ce qui n'est pas, je demanderais à celui qui me ferait cette objection quelle est la chose que nous employons qui est sans danger. Est-ce la vapeur? Est-ce la poudre? Sont-ce les chemins de fer, les navires, l'électricité, les automobiles, les aéroplanes? Sont-ce les poisons que nous, médecins et pharmaciens, employons chaque jour à doses infinitésimales et qui peuvent foudroyer le malade si, dans un moment d'inattention, nous avons le malheur de nous tromper dans une pesée ?